Nous n'allons pas nous laisser déprimer, en tout cas, nous. Hein, et nous allons entendre Bruno Andreotti sur l'interprétation du statut de l'établissement coordinateur du regroupement dans la loi du 22 juillet 2013. Merci. Je voudrais d'abord m'excuser parce que je vais devoir partir à 17h20 précise. Et j'espère aussi que c'est la dernière fois que je suis amené à faire le travail de lecture, qu'à force de répéter les mêmes choses, ça va perfuser. Donc, la chose qui me semble importante maintenant, qui était totalement inattendue il y a un an, c'est d'une part le fait d'avoir réussi à obtenir des amendements qui sont dans le texte de loi final contre l'avis du gouvernement, puis que depuis un an, le gouvernement se batte férocement pour nier l'existence des amendements qui sont passés. Donc là, il y a une forme de absolument incroyable. Ça leur était très facile de bloquer les amendements au Sénat et de passer en force à l'Assemblée. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Je n'en sais rien, mais on est dans une situation dans laquelle le déni de l'état de droit est manifeste. Et donc, je voudrais une dernière fois, je l'espère, rappeler d'où vient le déni et pourquoi il n'y a pas le moindre chef de file dans cette loi. Je vais donc vous montrer dans un premier temps quelle est la différence entre le projet de loi déposé par le gouvernement et la loi finale. Vous avez donc devant les yeux, là-haut, l'état de la loi auparavant pour la section qui s'appelait Convention et rattachement, qui est devenue l'association. Ce qu'on y voit, c'est que essentiellement, on a un processus dans lequel une série d'établissements étaient rattachés à un établissement unique, cet établissement ayant tous les pouvoirs, ce qui justifie est l'appellation chef de file en particulier. C'est lui qui était décisionnaire pour le contrat pluriannuel, décisionnaire de la stratégie territoriale. Et si maintenant je vais voir le projet de loi actuel, eh bien il y a une section qui a été intégralement réécrite, malheureusement pas dans les termes les plus favorables, mais enfin dans lequel cette section qui est donc symétrique aux deux autres, qui s'appelle maintenant convention et association, elle ne consiste pas à avoir fait un remplacement du mot rattaché par associé, elle a consisté à une réécriture complète. Qui a porté cette réécriture? C'est assez intéressant. À l'Assemblée nationale, Madame Attard, pour le groupe Vert, s'est beaucoup battue avec Madame Pompili pour essayer de faire passer ces amendements. En vain, le rapporteur socialiste étant absolument intraitable et de manière systématique pour toute forme d'amendement, s'est déclaré contre, le gouvernement contre, rien n'est passé. Donc le verrouillage était absolument parfait. Pour une raison obscure, Madame Gillot, rapporteure au Sénat, PS, a fait son travail en ce sens que, comme il n'y avait pas de majorité PS, elle a négocié avec les autres groupes pour demander ce qui leur tenait à cœur. Il est apparu que le centre droit, eh bien, ils avaient été contactés par les directeurs de grandes écoles qui demandaient des confédérations pour ne pas avoir les mains liées. Il s'est avéré que les écologistes demandaient la même chose, que les députés Front de Gauche, la sénatrice Front de Gauche demandait, était favorable à ça, et finalement que l'UMP aussi. Donc il y avait là l'occasion d'acquérir à bon prix le passage du texte de loi au Sénat à la majorité et non pas en passage en force en commission mixte paritaire suivie de l'Assemblée nationale. Madame Gillot a donc pris cette chose-là très à cœur et a fait un travail de construction intégrale sur ce que pourrait être un regroupement confédéral qui dépassait ce texte de loi qui est, je pense qu'on peut s'y référer pour le travail dans lequel il était prévu notamment les dispositions réglant finement qui avait le pouvoir de décision, mais aussi, chose qui n'est pas restée à la fin, le fait que, sans avoir de personnalité morale, le regroupement confédéral existait et pouvait porter, sans avoir d'instance ni de compte en banque, si je puis dire. Ces choses-là ont fâché. Madame Gillot a eu des explications en privé avec Monsieur Assouline, qui s'est fait le porte-parole du gouvernement. Ça a été extrêmement violent, à ce que je sais. Et les choses se sont réglées, dit Madame Attard par écrit sur son blog, à l'Élysée, en l'absence de Madame Fioraso, ce qui est quand même assez intéressant sur la manière dont se prennent les décisions, et selon toute probabilité, en présence de Monsieur Mérindol, qui était le conseiller. De sorte que, de manière tout à fait amusante, Monsieur Mérindol est la personne grâce à qui nous disposons de l'association aujourd'hui, lui qui est farouchement opposé. Donc, qu'est-ce qui est resté ? Eh bien, l'introduction de la mention peut être organisée de manière fédérale ou confédérale. Et je peux vous dire que les gens qui ont mis ça dans la loi, les sénateurs, savaient de quoi ils parlaient. Ils avaient dans l'idée le fédéralisme européen, le confédéralisme européen. Donc, ça leur parlait très nettement, au point que l'argument qui a emporté le fait de mettre ça, utilisé par M. Gattolin, était, il ne faut pas avoir peur des mots, ça s'appelle comme ça, fédéralisme, confédéralisme, selon qu'il y a un étage décisionnaire ou pas, on va le mettre dans la loi, les gens étaient d'accord, ils l'ont mis dans la loi. Et ensuite, il a fallu s'y plier, et donc là, la négociation a été âpre, et ce qu'il est resté, c'est que les établissements puissent se regrouper pour faire une confédération horizontale, avoir la décision du volet commun du contrat de site qui est décidé dans les mêmes termes par tous les établissements, chose qui est la protection majeure qui est là. Et puis, par un événement curieux, donc tout ça est absolument clair, et il y a là-dedans, dans cette section 4, il n'y a rien qui ne donne à un établissement privilégié un droit quelconque. Ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que si on cherche là-dedans, eh bien, il n'y a absolument rien qui distingue les différents établissements. Mais par un hasard malencontreux, au moment où il a fallu mettre en conformité l'ensemble du texte, eh bien, il n'est plus resté en séance assez de sénateurs PS pour voter en faveur du texte, de sorte que l'ensemble de tout ça a sauté transitoirement, puis a été remis, mais sans pouvoir être lissé. De sorte qu'il reste une phrase ici, la création d'un nouvel établissement, le regroupement qui peut prendre la forme de l'association d'établissements ou privés concourant aux missions du service public ou de la recherche à un établissement public. Et ici, eh bien, cette phrase, elle n'a pas changé depuis le rattachement, ou du moins, il n'y a que association qui s'est transformée, rattachement qui s'est transformé en université, mais sinon, les termes sont les mêmes, de sorte que si on fait le travail en aveugle de remonter dans l'historique en regardant cette phrase sans regarder la section qui s'y rapporte, eh bien, on peut en faire la lecture suivante, de l'association d'établissement à un établissement. Voilà la lecture qui est faite depuis un an. Et vous voyez que si vous mettez l'accent tonique de l'association d'établissement à un établissement, eh bien, vous êtes immédiatement convaincu que c'est bien un établissement. Et par conséquent, que c'est un chef de file qui a le pouvoir décisionnaire en CA qui va décider à la place de tout le monde. Et si vous remontez dans l'historique, eh bien, vous constatez que ça, c'est exactement le rattachement, de sorte qu'on a changé les mots pour faire joli. Ça vient du fait qu'il n'y avait plus de sénateurs en séance une journée. Mais maintenant, on peut se poser la question de savoir, une fois qu'on a ce texte qui contient des bouts qui ne datent pas de même couche, est-ce que cette phrase est contraignante par rapport au reste du texte, ou est-ce qu'elle n'est pas contraignante ? C'est-à-dire qu'elle a changé de sens par son contexte. Il n'est pas question de nier que cette phrase, c'est la phrase du rattachement, c'est un fait. Mais le 1 qui est là, il faut savoir ce qu'il signifie. Alors, que signifie-t-il ? Premièrement, on peut se demander si on a déjà passé les frontières du droit Et c'est le cas. C'est-à-dire que si cette phrase s'appliquait littéralement, eh bien, l'association alsacienne est illégale. C'est-à-dire que Mulhouse n'aurait pas pu se rattacher à Strasbourg pour la bonne et simple raison que le rattachement excluait le fait que ça soit une université. Et quand on a demandé des analyses juridiques, que ça soit à Paris 7 ou à Paris 2, ils nous ont dit, mais cette phrase, si on remonte dans l'historique, exclut les universités. Une université, on ne peut pas la qualifier de établissement ou organisme public ou privé concourant aux missions de service public. Ça dénote les établissements qui ne sont pas des universités. Donc, on est déjà hors de ce cadre-là. Ensuite, qu'est-ce que c'est ce « un » ? Est-ce que ce « un » peut être plusieurs ? Vous savez qu'en français, « un » a plusieurs usages, soit « un », c'est « un », soit c'est « un » parmi d'autres. Vous voyez ? Qu'est-ce qui éclaire le fait que ça soit « un » ou « un » ? Eh bien, c'est le contexte. Alors, pour savoir ça, eh bien, dans la mesure où la construction de ce texte de loi est parfaitement symétrique, qu'il y a trois possibilités, il y a trois sections, eh bien, on va voir dans la section. Il y a la section fusion, la section communauté, on descend, et on arrive à la section association. Et qu'est-ce qu'on y lit ? Eh bien, qu'un établissement peut être associé à un ou plusieurs établissements. Où est-ce que c'est ? Ici. Vous voyez mon curseur à un ou plusieurs établissements. Par conséquent, ce un ne peut pas être un, c'est un. Oui ? Donc, le contexte fait que le « un » qui signifiait « un » quand c'était un rattachement, c'est la même phrase avec le même historique, mais c'est devenu « un » parmi d'autres. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, malgré tout, prenons au sérieux un ou plusieurs établissements. Et dans le contexte, il y a eu 1h20 de débat sur le fait de comment on faisait une confédération et les gens au Sénat savait pertinemment ce que c'était une confédération, je répète. Donc, le nier a posteriori est absolument incroyable. Donc, ce premier 1, malgré tout, il est encadré. Qu'est-ce qui signifiait qui peut être ce 1 ? Alors, ce 1, si on veut le garder comme étant 1, ce qui n'exclut pas qu'il y ait d'autres associés, mais enfin qu'il y en a un qui soit privilégié. Eh bien, il y en a un qui est privilégié, c'est le coordinateur. Donc, on va admettre momentanément que le 1, eh bien, un qui n'exclut pas plusieurs, mais qui est l'établissement coordinateur. Et à ce moment-là, on tombe sur une différenciation Paris, Île-de-France et le reste, puisqu'il nous faut traiter les deux en utilisant la dérogation qui figure ici, qui dit qu'à Paris-Île-de-France, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale. À nouveau, je n'ai strictement aucun doute que le cabinet ministériel a voulu mettre derrière cette phrase, eh bien oui, à Paris, il y aura plusieurs communes qui vont être sur le contour des presses, aucun doute. Mais le texte de la loi ne dit pas ça, il dit que plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale. Donc soit la coordination territoriale, c'est la coordination du site, et ça autorise plusieurs établissements à être coordinateurs, soit la coordination territoriale de manière stricte, c'est la coordination du territoire de l'Île-de-France, auquel cas, eh bien, il faut que tous les statuts des communes qui vont se présenter articulent une coordination territoriale, ce qui n'est strictement pas ce qu'ils font, dans la mesure où ce qu'ils sont en train de faire, c'est une destruction de la coordination territoriale. Donc il faut choisir. On peut, vous savez qu'en loi, on ne peut casser un projet que s'il est illégal. Tant qu'il existe une interprétation de la loi conforme, eh bien, ça fonctionne. Donc, on peut parfaitement utiliser cette phrase pour dire qu'il n'y a même pas de coordinateur unique, mais que dans un regroupement comme SPC, il puisse y avoir 8 coordinateurs, pourquoi pas. Donc, même le 1 tournant est déjà une manière de compliance par rapport aux injonctions. Maintenant, prenons le cas hors d'Île-de-France, ou disons l'interprétation comme ça. Donc, il y a, admettons, un coordinateur territorial, un unique. Alors, immédiatement, on dit, ben, lui, il va décider à la place des autres. Mais ça, c'est une interprétation de la coordination qui est inouïe. Qu'est-ce que c'est une coordination dans laquelle on décide ? Où est-ce qu'il y a marqué ça ? Eh bien, il y a marqué ça absolument nulle part. C'est-à-dire que le coordinateur n'a aucun droit conféré par la loi, aucun. Est-ce que c'est lui qui négocie au ministère ? Pas du tout. Il y a bien un seul contrat pluriannuel, il est conclu avec les établissements regroupés. Il n'est pas conclu avec le coordinateur. Et ça fait du sens, puisque dans ce contrat, il y a des bouts spécifiques à chaque établissement. Pourquoi voulez-vous que le coordinateur signe à la place des établissements ? Donc, on a là quelque chose dans lequel il n'y a stricto sensu pas la moindre trace de l'idée selon laquelle on aurait un chef de file. Il y a un chef de file quand même. Le mot est choisi pour impliquer qu'il décide à la place des autres. Mais non, il y a toute liberté pour organiser la coordination dans une association comme on veut. En particulier, j'attire votre attention sur le fait suivant. Imaginons qu'au dernier moment, eh bien, on en soit à ce que les statuts d'une commune soient pratiquement adoptés. Eh bien, je pense que dans un travail d'une à deux heures, on peut faire une convention d'association qui soit le duplicata du statut de la commune, c'est-à-dire avec exactement les mêmes instances, le même bureau des membres, le même CA pléthorique et sans la moindre représentation, tout à l'identique, à une différence près, que les CA restent décisionnaires sur le volet commun du contrat de site et que l'instance de coordination n'ait pas le droit d'auto-transférer des choses. C'est-à-dire que si vraiment on est dans les arrêts de jeu, eh bien, il y a cette possibilité instantanée de passer de l'un à l'autre sans aucun souci, puisque la convention d'association est supposée spécifier la nature des instances de coordination, c'est-à-dire qui vont prendre en charge de mener les consultations pour écrire ce qui est mis en commun. Je vais m'arrêter là et je suis prêt à répondre une dernière fois à toute question technique sur cette question. Pour ma part, je considère que la situation est extrêmement grave, c'est-à-dire que si on réalise la sortie de l'état de droit, c'est quand même pas rien. Si on réalise quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de sénateurs, il faut dire ce qui est, on est plus nombreux que dans une commission du Sénat qui siège. Donc qui ont bossé, ils étaient 4 ou 5. Il n'empêche que ces 4 ou 5, on dit publiquement, enfin Madame Gillot est venue à Paris 7 à l'invitation de la nouvelle équipe. Elle était assise, elle a dit à l'Assemblée, les yeux dans les yeux, enregistrée sur vidéo, oui, on a mis la possibilité confédérale avec des établissements égaux dans la loi. La secrétaire d'État, ex-ministre, a dit les yeux dans les yeux avec le Sénat, à la demande des écologistes. Nous avons mis la possibilité confédérale avec des établissements égaux dans la loi. Donc, qu'on en soit à cette bataille maintenant qui dure depuis un an dans lequel on nous cherche sur l'existence même de ces amendements sur la base soit d'arguments totalement infondés comme par exemple que l'établissement coordinateur ait le moindre droit ou que le contrat soit passé avec un seul établissement soit sur la base fondée de cette phrase qui est restée pour les raisons susdites du soir de la fête de la musique coïncidant avec le débordement de la vallée de l'Argens le 21 juin, à cette unique phrase qui n'a pas plus de poids que toutes les autres phrases et dont l'interprétation du 1 ne tient pas puisqu'il y a marqué un ou plusieurs 10 lignes plus bas. Donc ça, je commence à le juger que le fait d'avoir une enquête parlementaire est vraiment maintenant un sujet que je prends extrêmement au sérieux. Je pense qu'on a passé toutes les bornes de l'état de droit et que les sénatrices qui se sont occupées de ça, eh bien, je pense qu'elles ont des prérogatives pour juger que les bornes sont dépassées. Je parle même pas du cavalier agricole, mais juste de l'insistance avec laquelle on a eu un flot depuis un an de mensonges au plus haut niveau de l'État et par répercussion dans les présidences d'université. Ça a atteint un point inouï qui, dans la mesure où il y a des possibilités de conflits d'intérêts, eh bien, dépasse le simple cadre de, des échanges politiques de vues, du rapport de force. Non, je pense qu'on est dans une situation qui est grave. Je vous remercie.